الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et la prière et les salutations sont pour l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours de biographie de Sira du prophète, paix et salut sur lui, avec la leçon numéro 14. Et l'enfant Mohammed, paix et salut sur lui, arriva à la Mecque. بعدما ماتت أمه آمنة في الطريق بين المدينة ومكة. Après que sa mère Amina est morte dans le chemin entre Médine et la Mecque. فاحتضنه جده عبد المطلب. Et c'est son grand-père عبد المطلب qui l'a pris en charge. وفي بيت الجد بدأ يعيش اليتيم Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa umruhu 6 sanawat. Et dans le foyer, dans la maison du grand-père, l'orphelin Muhammad paix et salut sur lui, à l'âge de 6 ans, commença à vivre. Ça veut dire avec son grand-père. Fa kana ma'a awladi Abd al-Muttalib, il était parmi les enfants de Abd al-Muttalib, avec les enfants de Abd al-Muttalib, wa hum a'mamuhu, qui étaient ses oncles, Al-Abbas radiyallahu anhu, comme Al-Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, wa Hamza radiyallahu anhu, akhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ar-radaa'a, ammuhu wa akhuhu. Et Hamza, que Dieu soit satisfait de lui, qui fut oncle et en même temps frère du lait du prophète paix et salut sur lui. Wa ahabbahu jadduhu Abdul Muttalib hubban kabiran. Et son grand-père Abdul Muttalib l'aima, l'a aimé un grand amour. Hubban jama'a hubbayn, un amour qui a regroupé deux amours. Hubbahu libnihi abdillah, son amour pour son fils Abdullah, abin nabi sallallahu alayhi wa sallam, alladhi mata saghiran, le père Abdullah, le père du prophète paix et salut sur lui, qui est mort très jeune. وَحُبَّهُ لِهَذَا الصَّبِيَ الْمُبَارَكِ, et son amour pour cet enfant béni. كَانَ يُوضَعْ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِرَاشٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ, on posait un tapis pour عبد المطلب, à l'intention de عبد المطلب, à côté de la Kaaba, ou dans l'ombre de la Kaaba. وَكَانَ بَنُوهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَ فِرَاشِهِ, les enfants, les oncles du prophète, paix et salut sur lui, prenaient place autour du tapis et laissaient intact le tapis. Fintidari khuruj Abd al-Muttalib, en attendant l'arrivée, la sortie de Abd al-Muttalib. Wa la yajlisu ahadun al-firash ihtiraman lahu, et personne ne prenait place dessus par respect au chef Abd al-Muttalib. فكان الصبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي فيجلس عليه. Et l'enfant Mohammed, paix et salut sur lui, arrivait et prenait place dessus, au-dessus du tapis. فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه. Et ses oncles le prenaient loin pour l'éloigner du tapis, par respect à leur père. فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك. Et عبد المطلب, lorsqu'il voyait ce genre d'action ou de scène, il disait tout de suite, « Da'u ibni, laissez mon fils. » فَوَاللَّهِ إِنَّ لَهُ شَأْنًا. Par Dieu le Très-Haut, il aura une grande importance. ثُمَّ يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِ. Et après, il le mettait à côté de lui sur son tapis. وَيَمْسَحُ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ. Et il passait sa main sur le dos du prophète, paix soit sur lui, qui avait 6 ans à l'époque. وَيَسُرُّهُ مَا يَرَهُ يَصْنَعُ. Et Abdul Muttalib se plaisait, trouvait une joie à voir les petites actions de cet enfant Mohammed, paix soit sur lui. Il voulait voir, il s'amusait à voir le prophète qui faisait son jeu à côté de lui sur le tapis. Cet enfant qui est aujourd'hui enfant, mais demain qui sera le grand homme que l'histoire a connu. فكانت هناك علاقة حب كبيرة بين عبد المطلب ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى درجة. Et il y a eu un grand ou une grande relation d'amour entre le grand-père Abd al-Muttalib et le petit-fils Mohammed, paix soit sur lui, jusqu'au point أن الجد عبد المطلب لم يكون يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم, jusqu'au point que le grand-oncle Abd al-Muttalib ne disait pas à propos de Mohammed, paix soit sur lui, Mohammed. Par exemple, Mohammed, يقول له محمد. Non. Voilà Ibn Abdillah, il ne disait pas le fils de Abdullah, parce que chez les Arabes, on dit fils de Foulan, fils de Foulan, fils de Foulan. يعني ولد أحمد ابن مصطفى ابن عبد الله. لا, ما كان يقول ابن عبد الله أو ابن ابني. Jamais il a dit le fils de mon fils. هذا ولد ولدي. Le fils de mon fils. لا, non. كان يقول له مباشرة ابني. Il lui disait directement mon fils. C'est-à-dire que ce n'était pas le fils de son fils, mais c'était son fils à lui. Il le considérait comme son fils. فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ الْأَبَى وَالْأُمَّ لِمُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Si Dieu a voulu prendre le père et la mère à Muhammad, paix soit sur lui, فَقَدْ مَلَأَ قَلْبَ الْجَدِّ حُبًّا لِحَبِيبِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il a rempli le cœur du grand-père d'amour envers son bien-aimé, le bien-aimé à Dieu, son bien-aimé Muhammad, paix soit sur lui. فَكَانَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ. Le grand-père prenait dans ses bras et le serrait fort. Prenait Mohammed, paix soit sur lui, et le serrait fort dans ses bras. Imaginez un orphelin, mais qui a un grand-père comme ça, qui le prenait dans ses bras et qui l'embrassait de temps en temps. Et il تعامل معه معاملة لم يكن يعامل بها أولاده. Et il se comportait avec lui, vis-à-vis de Mohammed, paix soit sur lui, un comportement qu'il n'accordait pas ou qu'il n'a accordé à aucun de ses propres fils. وَكَانَ يُقَرِّبُهُ مِنْهُ. Il le rapprochait de lui. وَيَسْمَحُ لَهُ بِالدُّخُولَ عَلَيْهِ إِذَا خَلَى. Il lui donnait l'autorisation, la permission d'entrer le voir lorsqu'il était seul dans sa chambre et personne n'osait déranger le chef. وَإِذَا نَامَ. Même lorsqu'il dormait, il avait l'autorisation. Le prophète, paix soit sur lui, avait une carte blanche pour accéder chez son grand-père qu'aucune autre personne n'a eu. وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِهِ. Le prophète, paix soit sur lui, se mettait ou prenait place sur le lit de Abd al-Muttalib, de son grand-père Abd al-Muttalib. فَيَقُولُ. Et personne ne pouvait faire ceci, s'asseoir sur le lit de Abd al-Muttalib, le grand chef de la Mecque. فَيَقُولُ Abd al-Muttalib. إذا رأى ذلك. Et Abd al-Muttalib disait toujours, lorsqu'il voyait le petit Mohammed, le petit enfant Mohammed, paix soit sur lui, mais le grand Mohammed, pas le petit, lorsqu'il voyait ceci, دعوا ابني, laissez mon fils, إنه يؤسس ملكا, il est en train de fonder un royaume. دعوا ابني, laissez mon fils, إنه يؤسس ملكا, il est en train de fonder un royaume. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا ويقول علي بابني. Jamais عبد المطلب n'a mangé un repas sans dire ramenez-moi mon fils, que mon fils soit à côté de moi et mange avec moi. فيأكل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم بجانب جده. Et l'orphelin Mohammed, paix soit sur lui, mangeait à côté de son, je vais dire son père, je ne vais pas dire son grand-père. ويتخيل الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, celui qui va étudier, celui qui va lire la biographie, la sira du prophète paix soit sur lui, va imaginer أن هذا الشيخ الحنون عبد المطلب, que ce vieux affectueux عبد المطلب قد وهب آخر حياته لمحمد صلى الله عليه وسلم, a offert la fin de sa vie à Muhammad paix soit sur lui. فكان كلامه, toutes ses paroles étaient أين ابني, où est mon fils, دعوا ابني, laissez mon fils faire, تعال ابني, viens mon fils, أعطوا ابني, donnez à mon fils. C'était ses paroles à la fin de sa vie. كان هذا كلامه في آخر حياته. وكالعادة يعطي عبد المطلب أوامره لأم أيمن رضي الله عنها. Et comme son habitude, عبد المطلب donnait les ordres à Umm Ayman, la nourrice du prophète, que Dieu soit satisfait d'elle, la nourrice du prophète, paix soit sur lui, hadinat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya baraka, la taghfali an ibni. Oh baraka, fais beaucoup d'attention à mon fils. Fa inna ahl al-kitab yaz'umuna anna ibni nabiyyu hadhihi al-umma. Parce que les gens du livre prétendent que mon fils est le prophète de cette nation. Fais attention à mon fils. La taghfali an ibni ya baraka. Oh baraka, fais beaucoup d'attention à mon fils. Surveille de près mon fils. هكذا فاض قلب عبد المطلب بالحنان والحب على محمد صلى الله عليه وسلم. Ainsi, le cœur de عبد المطلب a débordé d'amour et de tendresse et d'affection envers محمد paix soit sur lui. وهكذا ربى محمدا عليه الصلاة والسلام بالحب والعطف والحنان والرحمة. Et ainsi, il a élevé, il a éduqué Muhammad, paix soit sur lui, par l'amour, l'affection, la tendresse et la clémence et miséricorde. Wa akhadha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shuhna min ar-rahma wal hanan min jaddihi. Et le prophète, paix soit sur lui, à son bas âge, prit une grande dose de cette miséricorde et de cette tendresse et affection qui lui venait de la part de son grand-père. Shuhna min ar-rahma, une dose de clémence, tab'athu tawal hayati, qui l'a marqué pendant toute sa vie. Qabl an-nubuwa wa ba'd an-nubuwa, avant la prophétie et après la prophétie, hatta mawti, jusqu'à sa mort. ففي كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم, dans toutes les situations du prophète paix soit sur lui, كنا نجد الرحمة والحنان والحب تتجلى عالية. Dans toutes les situations du prophète paix soit sur lui, on remarquait, on trouvait cette clémence, cette miséricorde, cette tendresse, cet amour qui se manifestait à des grandes échelles. فالإنسان لا يعطي إلا ما أخذ. Chaque individu ne peut donner, ne peut offrir que ce qu'il a reçu, que ce qu'il a eu, que ce qu'il a pris. وهذا مبدأ من مبادئ التربية. Et il s'agit là d'un grand principe parmi les principes de l'éducation ou dans les sciences d'éducation. الطفل الذي أخذ الحب والحنان, l'enfant qui a pris, qui a reçu l'amour et l'affection, سيعطي طول حياته, il va donner pendant toute sa vie لزوجته, à sa femme, ولأبنائه, à ses enfants, ولوالديه, et à ses parents, ولأصدقائه, et à ses amis, وللمجتمع, et à la société. سيعطي الحب والحنان, il va offrir pendant toute sa vie l'amour et l'affection. والطفل الذي أخذ العنف والقسوة والحرمان والبغض, l'autre enfant qui a reçu pendant l'enfance la violence, la dureté, la privation, la haine, la détestation. Il va donner un jour inconsciemment la violence et la haine. Là où il va passer, là où il va se trouver, il va donner que la violence. Il va offrir que la violence gratuite et la haine gratuite. Lui, il connaît, il n'a jamais connu l'amour. Comment va-t-il donner ce qu'il n'a jamais connu? هو لا يعرف الحب لا يعرف الحنان لا يعرف الرحمة. Lui, il ne connaît pas cet amour. Il connaît pas la tendresse, il connaît pas la clémence ou la miséricorde. لم يذق في حياته هذه الأشياء. Il n'a jamais goûté à ces choses dans toute sa vie. لم يرى الحب بين أبيه وأمه. Il n'a pas remarqué l'amour entre son père et sa mère. Il a vu que la dureté entre les deux et la grossièreté. Il n'a pas vu la clémence, la tendresse entre son père et sa mère. Il a vu la violence et les coups et la détestation. Il a vu dans son foyer, chez lui, chez ses parents, dans sa petite famille, que des cris. Que des cris. Parce que nous, astaghfirullah, nous les musulmans, lorsqu'on veut parler, on crie. On ne parle pas, on crie. Nous, lamma nourid an natakallam nasih, kalamu nasiyah, nos paroles sont des cris. On crie et on crie. Ra'afi, il n'a vu que des cris entre son père et sa mère. Il n'a pas vu la douceur. Il n'a pas vu le calme. Ah, il n'y a pas le calme chez lui. Lorsqu'il entre chez lui, s'il y a pas le s'il y a le calme, il se pose la question. Pourquoi il y a le calme? Qu'est-ce qui arrive dans le monde? Comment ne va-t-il pas crier plus tard, par la suite? Comment va-t-il parler par la suite doucement? Lui qui a parlé, qui a vu les gens les plus aimés à lui crier. Il a vu les insultes, les injures pendant des années et des années. Et il a compris chez lui, à bas âge, que celui qui veut arriver à quelque chose, il doit insulter, il doit utiliser les injures. Comment ne va-t-il pas injurier, comment ne va-t-il pas insulter par la suite pour atteindre ce qu'il veut, pour intimider quelques-uns? Il a vu des mensonges pendant des années et des années lorsqu'il captait, lorsqu'il était petit, en train de capter. وفهم بأن الكذب مباح الكذب لتصل إلى هدفك مباح. Il a compris que mentir pour arriver à ton objectif est une chose, est une bonne chose. فكيف لا يكذب فيما بعد؟ Comment ne va-t-il pas mentir par la suite؟ رأى الضرب والعنف لعدة سنين. Il a vu la violence, les coups pendant des années. ولم يرى الإقناع والحوار. Il n'a pas vu le dialogue et convaincre avec la parole. Il a compris que pour faire convaincre quelqu'un, il faut le frapper. Comment ne va-t-il pas frapper? Comment ne va-t-il pas donner ce qu'il a reçu un jour? Il a vu l'avarice devant lui qui marchait sur deux pieds. Il a vu un père, une mère avare, les deux. Il ne lui donnait rien. Et il a appris à bas âge, lorsqu'il apprenait les choses, lorsque les choses se gravaient chez lui. lorsque le CD était vierge, mais était en train de... Il a appris l'avarice. Comment va-t-il offrir par la suite? Il est devenu avare. On l'a formatisé. Et ainsi de suite. L'enfant d'aujourd'hui va reproduire demain ce qu'il a été gravé dans sa mémoire. Il va répéter inconsciemment dans sa vie ce qu'il a vécu dans son enfance. L'enfant ressemble à l'eau dans un récipient. L'eau qui prend la forme du récipient. Et l'eau fait montrer la couleur, pas sa couleur, la couleur du récipient. C'est pour ça, lorsque tu vois l'enfant, normalement, tu vois la couleur de ceux qui ont gravé des choses dans sa mémoire. Lorsque tu vois l'enfant marcher, agir, parler, etc., tu vois la couleur de l'environnement dans lequel il a grandi. L'eau te montre, mon frère ou ma sœur, le fond, la couleur du fond, ou la couleur du récipient et la forme du récipient. Ainsi, la forme, la couleur de l'eau vient du récipient dans lequel se trouve l'eau. وَطَبْعُ الطِّفْلِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْبَيْتِ وَالْبَيْئَةِ الَّتِي كَبُرَ فِيهَا. Et le caractère d'un enfant est pris et reçu à partir du foyer, de l'environnement dans lequel il a grandi. Quel bâ'i, comme un vendeur, la yabi'u illa ma 'inda min sila. Un vendeur qui ne peut, le vendeur normalement ne peut pas ou ne peut vendre que ce qu'il a chez lui dans sa boutique, comme marchandise, comme produit. Il ne peut pas te vendre les produits que lui, il n'a pas reçus, il n'a pas achetés. La yomkin, an tatluba min al-ba'i' ma la yamlik. Tu ne peux pas demander à un vendeur ce qu'il n'a pas comme produit. Il va te dire, non, je ne peux pas te donner ça, je ne l'ai pas. Akhi, ukhti, frère, sœur, idha aradta an yakuna tifluka musliman, fakun anta musliman. Si tu veux que ton enfant soit musulman, d'abord tu dois être musulman, avant de lui demander de devenir musulman. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ طِفْلُكَ مُؤَدَّبًا فَكُنْ أَنْتَ مُؤَدَّبًا. Si tu veux que ton enfant soit poli, sois d'abord toi poli. Montre-lui l'exemple. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ طِفْلُكَ رَحِيمًا فَكُنْ أَنْتَ رَحِيمًا. Si tu veux que ton enfant soit miséricordieux, sois clément, sois toi d'abord clément. إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ أَوَّلًا. Commence par toi-même d'abord. رَبِّ نَفْسَكَ كَيْ تُرَبِّ. Éduque toi-même pour pouvoir éduquer. التَّرْبِيَةُ مُهِمَّةُ جِدًا. L'éducation est très importante. C'est avec l'éducation qu'on forme les générations futures. Les égarés ne peuvent donner que des égarés comme eux. Il a fait 7 milliards de personnes. Si tu as 1 milliard de musulmans, mais égarés, tu ne peux rien attendre de ce milliard de musulmans. D'abord, il faut éduquer ce milliard pour que ce milliard puisse éduquer les enfants à venir. Sinon, des gens égarés, tu ne peux rien attendre d'eux. L'éducation est une grande responsabilité. Le premier éducateur, le grand éducateur, Mohammed, paix soit sur lui, dit « Kullukum ra'in ». وكلكم مسؤول عن رعيته. Chacun de vous est responsable. Et chacun de vous sera interrogé de sa responsabilité. Ça veut dire de ses enfants, etc. فالذي أهمل التربية, celui qui néglige l'éducation, سيندم مرتين, va regretter à deux reprises, aura deux regrets. في الدنيا, dans ce bas monde, لما يرى ولده أو بنته صار مراهقا منحرفا عاقا, lorsqu'il va voir son enfant, fils ou fille, devenir ou atteindre l'âge adulte, il va le voir ou la voir égaré, désobéissant. C'est là où il va regretter. Lorsque le dialogue ne passe plus entre lui et son enfant, là il va regretter. Il attendait un enfant correct, mais du coup, à l'âge de 18 ans, il va découvrir un autre enfant, un autre adulte qu'il n'attendait pas. Là, il va regretter. Un regret amer parce qu'il a négligé l'éducation de son enfant. Comme celui qui a planté une plante, un arbre, وَانْتَضَرَ ثِمَارَهَا سِنِينًا, et a attendu les fruits escomptés pendant des années et des années. فَلَمَّا كَبُرَتْ لَمْ تُعْطِي ثِمَارًا, et lorsque l'arbre a grandi, 18 ans, 20 ans, l'arbre n'a donné aucun fruit. أَوْ أَعْطَتْ ثِمَارًا مُرًا, où l'arbre a donné des fruits amers. أَمَّا هَذَا النَّدَمْ فِي الدُّنْيَا, ça c'est le regret dans le bas monde. Wa fil akhirah, dans l'au-delà, qala ta'ala, Dieu le très haut dit, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, c'est nous qui ressuscitons les morts et qui écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Atharahum, leurs traces, bimana hasanatihim ou sayyiatihim, ça veut dire leurs bonnes ou mauvaises actions après eux, après leur mort, min ba'dihim, مثلاً masjid, mustashfa. Je vous donne un exemple de bonne action, une mosquée, une clinique qui va continuer à tourner après sa mort. Dieu va écrire cette trace et le salaire de cette trace après sa mort. Wattifl athar kadhalik, mais ton enfant est une trace. Il porte tes traces. C'est ta trace, ton enfant. Après ta mort, tu laisses des traces si tu as des enfants. Il est possible qu'il soit une mauvaise action. Une sayyi'a que tu as laissée. Tu as laissé une mauvaise trace qui va faire du mal à la société. Après la mort de ses parents. Fi halat إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِوَاجِبْ التَّرْبِيَةِ, et ceci dans le cas où les parents n'ont pas assuré ce devoir d'éducation. أَمَّا الَّذِي اِعْتَنَى بِالتَّرْبِيَةِ, tandis que celui qui n'a pas négligé, qui a assuré une bonne éducation à ses enfants, فَسَيَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ, il aura la joie à deux reprises. Il sera joyeux à deux reprises. فِي الدُّنْيَا, dans la vie ici-bas, لَمَّا يَرَى بأن طفله قد أعطى ثمارا طيبة كالغرس, lorsqu'il va voir à l'âge adulte que son enfant a donné de bons fruits comme une plante, ويفرح في قبره, et il va connaître la joie dans sa tombe, لما يرفع الولد يديه إلى الله, lorsque l'enfant vivant après lui va lever ses deux mains vers Dieu, et va faire des prières avec des larmes sur les joues, en répétant ce verset coranique, Rabbi, Seigneur, irhamhuma kama rabbayani saghira, Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, ou bien aie-les en ta clémence comme ils m'ont élevé petit ou enfant. ما هو سبب هذا الدعاء؟ Quelle est la cause de cette prière؟ هو التربية في الصغر التي قمت بها. C'est cette éducation que tu as assurée pendant l'enfance de ton fils ou de ta fille. بمعنى إذا فرطت في التربية يا أخي ويا أختي فأنت لا تستحق هذا الدعاء. Ça veut dire, si tu as raté, si tu as négligé l'éducation, tu ne mérites pas cette prière. Kama rabbayani saghira. Comme ils m'ont élevé enfant. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'éducation, comme ils m'ont éduqué enfant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'éducation, ça ne sert à rien de donner la miséricorde. Si on n'a pas agi, on ne peut pas récupérer. Fal-azru بقدر مستوى التربية. Donc le salaire est égal au niveau de l'éducation assurée. والشيء الثاني الذي نفهمه من هذه الآية, la deuxième chose الشيء الثاني الذي نفهمه من هذه الآية, la deuxième chose que nous pouvons comprendre à partir de ce verset, Ya Rab, i'tihim rahmatak muqabil at-tarbiyah. Ô mon Seigneur, accorde-leur ta clémence en contrepartie de l'éducation. Bima'na kanu ruhama'a ma'i fi at-tarbiyah. Ça veut dire ils étaient cléments avec moi dans l'éducation, lors de l'éducation, ils étaient miséricordieux avec moi lors de l'éducation lorsque j'étais petit et j'avais besoin de leur clémence. Fajazihim birrahma ya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran birrahma. Ça veut dire, oh mon Seigneur, accorde un salaire de miséricorde pour mes parents comme la miséricorde qu'ils m'ont donnée lorsque j'étais petit. Bima'na fat-tarbiya tubna 'ala ar-rahma wal-'atf wal-hub. On comprend de ce verset que l'éducation doit être basée sur la miséricorde, l'affection et l'amour. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ô mon Seigneur, accorde-leur ta clémence comme ils m'ont élevé enfant. Wa hadha huwa alladhi akhadha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min jaddihi Abd al-Muttalib fi sighari. Et c'était la chose que Mohammed, paix soit sur lui, a reçue de la part de son grand-père Abd al-Muttalib à son enfance. Ar-Rahma kanat hiya al-kanz alladhi a'tahu Abd al-Muttalib li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi'idnin min Allah. La miséricorde, la clémence, c'était le trésor qu'a passé Abd al-Muttalib, le grand-père Abd al-Muttalib, à Mohammed, paix soit sur lui, par une décision de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, donne-lui un trésor immense de clémence et de miséricorde. Fa'asha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toula hayatihi. Et Muhammad, paix soit sur lui, passa toute sa vie. Yuwazzi' min hadha al-kanz ala kulli man 'araf. Il a passé sa vie à distribuer de ce trésor la miséricorde, la tendresse à tous ceux qu'il a connus. Et le trésor est arrivé jusqu'à nous. Et le trésor de Mohammed, paix soit sur lui, va continuer à donner de cette clémence, de cette miséricorde à tout le monde jusqu'à la fin du monde. وبعد نهاية العالم كذلك وخصوصا يوم القيامة بالشفاعة. Et même après la fin du monde, le trésor de Muhammad va continuer à donner. On aura surtout besoin de ce trésor le jour de la résurrection. Après la fin du monde, ça va constituer l'intercession en notre faveur. الشفاعة. Muhammad صلى الله عليه وسلم كان رحيما. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, était clément, miséricordieux, ma'rijal, avec les hommes, ma'nissa, avec les femmes, ma'al-atfal, avec les enfants, ma'al-shuyur, avec les vieux, مع الأيتام avec les orphelins, مع العبيد والخدم avec les esclaves et les serviteurs, مع الكفار والمشركين avec les mécréants et les associateurs. ولم تقف رحمته صلى الله عليه وسلم عند الناس. Sa miséricorde, sa clémence ne s'est pas arrêtée au niveau des gens. تحدت وتعدت حتى شملت الحيوانات والطيور والحشرات. Elle a dépassé le stade des humains pour englober par sa miséricorde aussi les animaux, les oiseaux et les insectes. Ainsi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde. Et malheureusement aujourd'hui, on le traite avec des accusations et il est innocent à 100%, à 1000% des accusations qu'on lui donne gratuitement. Mais pourquoi on lui donne ces accusations? Pourquoi on l'accuse comme ça? Pourquoi on se moque de lui? Ce sont nous la cause. Parce que nous, on ne l'a pas suivi. Et les gens ont vu Mohammed, paix soit sur lui, à travers nous. Ils ont dessiné Mohammed, paix soit sur lui, à travers l'image que nous, nous avons donnée de Mohammed, paix soit sur lui. Et après, on dit pourquoi. Il faut le suivre, ce Mohammed, paix soit sur lui. Il faut suivre cette trace. Il faut montrer le bon visage de Mohammed, paix soit sur lui. Et Mohammed n'avait pas un autre visage. Il n'avait qu'un seul qui était bon. قال تعالى, son Seigneur lui a dit, l'a décrit dans un verset coranique, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde au monde, avec S à la fin. Monde avec S. L'alamin, pour les mondes. Alam an-nas, le monde des gens. Alam an-nabat, le monde de la végétation, des plantes. Il demandait qu'on coupe pas les plantes. Il demandait qu'on plante les plantes. Wa alam al-hayawanat, le monde des animaux, il a affiré, etc. Une clémence universelle pour les univers, pour les mondes. Ainsi Dieu l'a envoyé. نفهم من هذه الآية التي قرأت. On comprend de ce verset que je viens de lire. أن الله تعالى وتبارك آتى محمدا صلى الله عليه وسلم الرحمة قبل الرسالة. On comprend de ce verset que Dieu le Très-Haut a accordé d'abord la clémence, la miséricorde à Mohammed, paix soit sur lui, avant de lui accorder le message. فهو أرسله رحمة. Il l'a envoyé en tant qu'une miséricorde. ولكن آتاه الرحمة في صغره لما كان عند عبد المطلب. Mais il lui a assuré, il lui a accordé la miséricorde à bas âge. Il lui a fait la dose lorsqu'il était petit. Lors de son éducation, lorsqu'il était un petit en train d'être élevé par son grand-père Abdul Muttalib. Et c'était Abdul Muttalib qui lui a donné le trésor de la clémence, de la miséricorde qui va servir à l'âge de 40 ans. هذه الرحمة التي أخذ من عبد المطلب هي التي ستنفع في سن الأربعين سنة لما سيرسله الله تعالى وتبارك كنبي ورسول. وآتاه الرسالة, الله أعطاه الرحمة في الصغر وآتاه الرسالة في الكبر في أربعين سنة. Dieu lui a accordé la miséricorde à bas âge, à 6 ans, à 2 ans, etc. Mais il l'a chargé du message à 40 ans par la suite. Ça veut dire qu'il lui a donné la miséricorde avant le message. فالرسالة لم ترد النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. Le message n'a pas rendu, le message reçu de la part de Dieu n'a pas rendu le prophète Mohammed, paix soit sur lui, miséricordieux, au clément. Il n'était pas dur avant le message. فهو كان رحيما قبل الرسالة وبعدها. Parce qu'il fut, il était miséricordieux, clément avant de recevoir le message. Et il a continué à l'être après le message. Et il a enseigné la miséricorde, la clémence aux gens autour de lui. Il disait, paix soit sur lui, une phrase dangereuse. Man la yarham, la yarham. Celui qui n'est pas clément, qui n'est pas miséricordieux, sera privé de la miséricorde et de la clémence. Ça veut dire dans ce monde et dans l'autre monde. Muttafaqun alayh. Unanimement authentique. Al-Bukhari et Muslim. Man la yarham, la yarham. Celui qui n'est pas miséricordieux ne recevra pas la miséricorde, ne subira pas la miséricorde. كان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الطفل في الصلاة. أمثلة أعطيكم أمثلة صغيرة. Je vais vous donner quelques petits exemples de la clémence du prophète. Paix soit sur lui. كان يسمع صلى الله عليه وسلم بكاء الطفل في الصلاة. Il entendait le cri, les pleurs d'un bébé dans la prière, lorsque lui et ses amis étaient en pleine prière, fayukhaffif as-salat. Et il écourtait la prière. Il raccourcit la prière. Rahmatan bit-tifli wa ummi. Par clémence, par miséricorde envers le petit et envers sa mère. Yukhaffif as-salat. Yukhaffif ittisalahu billah fi as-salat. Il écourte sa liaison dans la prière avec Dieu. Cette liaison dans laquelle est trouvé le maximum de plaisir. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ يُخَفِّفْ قُرَّةَ عَيْنِي يُخَفِّفْ الصَّلَاةِ لِيَرْحَمْ الطِّفْلِ وَلِيَرْحَمْ الْأُمِّ. Il écourtait le maximum de plaisir qui est dans la prière d'être avec Dieu. Il coupait la liaison avec Dieu pour être clément, pour être miséricordieux à l'égard d'un enfant qui a pleuré. Et qui est lui, et que lui a entendu pleurer pour être clément avec lui et avec sa mère. Min ajli tiflin baka, pour un enfant qui a pleuré. Wa marra yalqa jariya faqadat thaman ad-daqiq. Une fois, il a rencontré une servante, une bonne, qui a perdu l'argent de ses maîtres, l'argent qui allait servir pour acheter la farine. فيدفعه لها من جيبه ولم يبق معه مال. Il lui a donné l'argent qu'il avait et il n'avait plus d'argent lui parce qu'il avait l'argent que la fille ou la bonne a perdu. Et lui, il voulait acheter quelque chose, il a renoncé à ce qu'il voulait acheter pour sauver la servante. وبعد ذلك, et après ceci, رأى, si c'était moi ou vous, je dirais où est mon problème? Pourquoi tu as perdu ton argent? Salam alaykoum. Moi, wallahi, je n'ai que ce qu'il faut pour acheter des choses à ma famille. Assalamu alaikum. Non, assalamu alaikum. Lui, il se comportait avec miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da dhalik, et après ceci, il a fait quelque chose et dans son retour, il a trouvé toujours la servante à sa place en train de pleurer. Wajada yani had al-bint la zalat tabki. Khashyata an yadribaha malikuha li'annaha ta'akharat. De crainte, elle pleurait de crainte que ses maîtres ou sa maîtresse va la frapper parce qu'elle a fait beaucoup de retard. Elle n'a pas ramené à l'heure la farine. فَيَمْشِي مَعَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. Et il l'a accompagné la servante jusqu'à ses maîtres, jusqu'à la maison de ses maîtres. وَيَسْأَلُهُمْ الْعَفْوَ عَنْهَا. Et il a demandé à ses maîtres de lui pardonner. وَيَقُولُ لَهُمْ هَلْ قَبِلْتُمْ طَلَبِي. Avez-vous accepté ma demande? فَيَقُولُونَ لَهُ. Et ils ont répondu au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. وَكَيْفَ لَا نَقْبَلُ شَفَاعَتَكَ لَهَا فِي الدُّنْيَا. Et comment on va refuser ton intercession pour toi envers elle dans ce bas monde? وَاللَّهُ يَقْبَلُ شَفَاعَتَكَ فِي النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et Dieu accepte, agrée ton intercession pour les gens, pour les humains, le jour de la résurrection. Un jour, un enfant d'un compagnon à bas âge a voulu jouer, il a pris deux petits d'une femelle d'un oiseau. فرخين لحمرة حمرة يعني نوع من الطيور فجاءت الحمرة et la femelle d'oiseau est venue فجعلت تعرش حزنا et la commencé à tourner autour du prophète et autour du lieu où se trouvaient ses petits فرآها النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète, paix soit sur lui, l'a vu et a compris. فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا Qui a blessé celle-ci en la privant de ses petits ? رُدُّ وَلَدَهَا إِلَيْهَا Rendez-lui ses petits. قَالَ هَذَا رَحْمَةً بِهَا وَبِأَوْلَادِهَا Il a dit ceci par clémence, par miséricorde, envers la femelle d'oiseau et envers les petits qui seront privés de leur mère. وَقَدْ قَالَ مَرَّ Une fois, il a dit « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا Celui qui sépare entre une mère et son enfant, فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dieu va le séparer de ses bien-aimés le jour de la résurrection. وَرَأَ مَرَّ قَرْيَةَ نَمْ تُحْرَقَ Une fois, il a vu une fourmilière en train de prendre le feu, d'être brûlée. Et écoute, si c'était moi, je vais passer. Où est le problème, une fourmilière ? Où est le problème ? C'est pas ma maison qui prend le feu. فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ Lui, il s'arrêta pour dire qui a brûlé cette fourmilière. Lui, il avait beaucoup de problèmes dans sa tête. La guerre avec les mécréants, la justice, ses femmes, l'éducation, imam, il doit préparer le discours du vendredi. Il avait mille problèmes dans sa tête. Comment il va s'arrêter devant cette fourmilière ? Non. Wallah, il ne va pas passer, il ne va pas laisser passer. Il s'arrête parce qu'il est le messager de la miséricorde. Il a eu la grande dose de miséricorde à son enfance. Si tu veux que ton enfant soit miséricordieux, donne-lui la dose à bas âge. فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ Qui a brûlé celle-ci ? إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ Il est interdit de châtier par le feu que pour ceci interdit, sauf pour le Seigneur du feu. Il n'est pas permis à quelqu'un de châtier, de punir avec le feu. Il est permis, ceci est permis uniquement au Seigneur du feu, au Créateur du feu. كل هذه الأمثلة والله ما هي إلا حبة من كنز الرحمة المحمدية. Tous ces exemples, والله par Dieu le Très-Haut, ne font qu'un grain du trésor de la miséricorde mohammedienne. Je vais vous faire revenir en grande vitesse ila Mecca, vers la Mecque. بالضبط ila بيت عبد المطلب. Exactement vers la maison de عبد المطلب. Ha huwa yanam ala firashi. Le voici en train de dormir sur son lit. Wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi janibi. Et Mohammed paye ça sur lui, à côté de lui. Et autour du lit se trouvaient les enfants, les oncles de Mohammed paye ça sur lui. Il s'agit des instants de la mort. Et avant que l'ange de la mort enlève ou fait sortir son âme, ou pris son âme, يلتفت عبد المطلب إلى ولده أبي طالب. عبد المطلب se retourne vers son fils. Il cherchait un de ses fils, Abu Talib. ويوصيه بحفظ محمد صلى الله عليه وسلم. Et il le chargea de prendre soin de Muhammad, paix soit sur lui, de bien veiller sur mon bien-aimé Muhammad, paix soit sur lui. ومات الجد الرحيم et le grand-père affectueux mourut ومحمد صلى الله عليه وسلم عمره ثمان سنوات et l'âge de محمد paix soit sur lui était 8 ans لم ينسى الجد محمد عليه الصلاة والسلام حتى في لحظات الموت le grand-père n'a pas oublié محمد paix soit sur lui même lorsque l'ange de la mort voulait prendre, voulait sortir son âme, il a dit « Prenez soin de Mohammed. » أخذ الموت أباه. La mort a pris son père. وأمه et par la suite sa mère. وها هو يأخذ اليوم جده. Et voici la mort aujourd'hui qui prend son grand-père, l'âme de son grand-père. كلما أحب أحدا أخذه الله. Chaque fois que le prophète, paix soit sur lui, à bas âge, aimait quelqu'un, Dieu prenait ce quelqu'un. لِيُعَلِّمَهُ أَنْ لَا يَتَوَكَّلَ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ. Pour lui enseigner de jamais s'en remettre aux créatures. وَلَوْ كَانَتْ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ. Même si ces créatures sont les plus proches à lui, les très chères à lui, يُعِدُّهُ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ. Il le préparait à cette phrase, التي سيحملها للعالم, cette phrase qu'il va porter au monde entier un jour, لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. وقد اختار عبد المطلب أبا طالب لأنه شقيق لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. Et عبد المطلب a choisi son fils Abu Talib pour prendre en charge Mohammed paix soit sur lui, parce que Abu Talib fut le frère germain de Abdullah, qui est le père de Mohammed paix soit sur lui. وبمناسبه موت عبد المطلب اقوم بملاحظتين. Il y a l'occasion de la mort de Abd al-Muttalib, je vais formuler deux remarques rapidement. La première, الاولى, الموت ليس عدما. La mort n'est pas un néant, un vide, une absence totale. Ça veut dire que tu n'existes plus. La mort n'est pas un néant. Elle mort ليس عدما. إنه نهاية للحياة الأولى في الدنيا. La mort n'est qu'une fin, une simple fin de la vie première dans ce bas monde. ولكنه بداية لحياة ثانية في الآخرة. Mais la mort est un début, n'est pas une fin uniquement, mais en même temps fin pour une vie première et début, un déclenchement d'une vie 2, numéro 2, dans l'au-delà, d'une deuxième vie dans l'au-delà. فالموت ما هو إلا تغيير حياة بحياة. La mort n'est qu'un changement, n'est que le changement d'une vie par une autre vie. Mais ce n'est pas une mort en soi, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une destruction totale en soi. وَهَذَا فِيهِ سَلْوَى لِلْمُؤْمِنِ. Et là, mes frères et mes sœurs, il y a un soulagement pour le croyant lorsqu'il va comprendre ceci, que la mort n'est pas la fin, que la mort c'est le début d'une autre vie meilleure. Il va se soulager de la perte de son père, son mari, son fils, etc. أخي, أختي, frère, sœur, إذا مات لك قريب, حبيب, si un jour tu vas perdre un proche qui est très cher à toi, فاصبر على الفراق القصير, supporte avec patience la séparation courte, ou bien la courte séparation. وعلم بأنك في يوم من الأيام ستلحق به. Et sache, mon frère ou ma sœur, qu'un de ces jours, tu vas le rejoindre. وتجتمع معه في عالم الآخرة. Et tu vas être avec lui, tu vas te réunir avec lui dans le monde de l'au-delà, dans le meilleur monde. Inch'Allah في الجنة. Si Dieu le veut, dans le paradis. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته, le prophète paix soit sur lui, lors de sa mort, juste avant la mort, juste avant que l'ange de la mort lui enlève l'âme, قال لابنته فاطمة رضي الله عنها وكانت تبكي. Il a dit à sa fille Fatima, qui était en train de pleurer, que Dieu soit satisfait d'elle, فاطمة الزهراء رضي الله عنها, إنك أول أهلي لحقا بي. Tu seras la première de ma famille à me rejoindre. فضحكت بعدما كانت تبكي. Elle a ri après qu'elle était en train de pleurer. Elle a changé les larmes en rire. Elle va rejoindre son père. Et après 6 mois, elle l'a rejoint. وبعد 6 أشهر وصلت عليه. ويوسف عليه السلام قال et Joseph paix sur lui dit dans un verset coranique قال لله يوسف قال لله في آية Joseph paix sur lui dit à Dieu le très haut dans un verset coranique comme prière يعني دعاء توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني مش يعني مش يموت ما بقاش لا هي في لحاق بالصالحين يا اخويا يعني الموت ولكن اذا اردت الصالحين فستموت ما فهمتم معليش ساشرح من بعد يوسف عليه السلام قال في الايه توفني مسلما والحقني بالصالحين décède moi il parle avec Dieu dans une prière décède moi en tant que musulman et fais-moi rejoindre les vertueux اخي اختي frère sœur حاول ان لا تموت الا مسلما essaie de ne mourir que dans la foi de l'islam dans la religion de l'islam en tant que musulman فهذا هو الشرط لتلتحق بالاحباب المسلمين ولتلتحق بالصالحين والمرسلين c'est l'unique condition de mourir dans l'islam pour rejoindre les bien-aimés de ta famille pour rejoindre les parmi les musulmans pour rejoindre les vertueux et pour rejoindre les envoyés tous les envoyés tu vas voir même Mohammed paix soit sur lui mais tu dois mourir musulman amma ghayr al-mu'min tandis que le non croyant fa huwa la yu'min bi hayat ba'd al-maut il ne croit pas le non croyant il est incroyant pourquoi parce qu'il ne croit pas à une vie après la mort وهذا فيه عذاب كبير له et là réside un grand malheur une grande souffrance intérieure pour lui parce qu'il ne croit pas une vie après la mort فعند موت حبيب له lors de la mort d'un proche d'un bien-aimé à lui il pleure beaucoup parce qu'il sait que c'est fini c'est la fin il n'y a pas de vie donc la séparation est dure plus dure que pour nous les musulmans lorsqu'on perd quelqu'un parce que pour nous alhamdoulillah on croit qu'on va le rejoindre après un an, deux ans, vingt ans je vais le rejoindre inshallah mais pour lui ça y est c'est fini il a perdu à jamais dans sa croyance son proche c'est pour ça la mort a un impact plus grand chez les non-croyants parce qu'il croit que ça y est jamais il va le voir la deuxième chose al-Nabi صلى الله عليه وسلم لا دوزيام رمارك المثال أو الملاحظة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى مع جده إلا سنتين le prophète paix soit sur lui n'est resté avec son grand-père que pendant deux ans vous voyez deux ans سنتين سنتين فقط deux ans uniquement مدة قليلة une courte durée un laps de temps ولكن أخذ فيها حبا وعطفا كبيرين. Mais pendant les deux ans, il a fait le plein de la dose. Il a pris la dose suffisante d'amour et d'affection qu'il va distribuer pendant toute sa vie. والنصيحة. Et là, le conseil que je vous donne et je me donne d'abord. كلما عرفت خلقا من خلق الله. Chaque fois que tu vas connaître, chaque fois que tu vas faire la connaissance. D'une créature parmi les créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala toutes les créatures que tu vois autour de toi sont celles de Dieu kul al-khalq alladhi bi janibi kullu khalq Allah ta'ala wa tabarak kullama ta'arafta ma'a khalq min khalq illa chaque fois que tu vas connaître ou faire la connaissance d'une créature de Dieu abun un père ummun une mère zawjun un mari, zawja, une femme, walad, un enfant, un garçon, bint, une fille, sadiq, un ami, jar, un voisin, il a akhiri, etc. La liste est grande. Innaka la tadri kam satabqa ma'ah. Tu ne sais pas, mon frère ou ma sœur, combien tu vas rester avec lui, combien tu vas le connaître, la durée que tu vas passer à le connaître. ربما تفرق بينكم الدنيا. Peut-être la vie ici-bas va vous séparer. Peut-être il va à Bordeaux, habiter à Bordeaux, je ne sais pas. Tu vas plus le voir peut-être. وربما يفرق بينكم الموت في أقرب الأوقات. Et peut-être c'est la mort qui va vous séparer dans les brefs délais, istamil ma'ahu al-hub badal al-bughd, utilise avec lui l'amour au lieu de la haine, al-hanan badal al-qaswa, utilise avec lui l'affection, la tendresse au lieu de la dureté, al-ihsan badal al-isa'a, la bienfaisance au lieu de la nuisance. Ij'al minhu tariqan ila al-jannah, fais de lui, de cette créature, un chemin vers le paradis. Dieu te l'a ramené. Sois bien avec lui et tu vas faire à partir de lui un chemin, une échelle vers le paradis. Irbah ma'ahu hasanat, gagne grâce à lui quelques bonnes actions. Fahubbu an-nas al-mutabadil wa husn al-mu'amala ibadatun fil islam. L'amour échangé entre les gens et le bon comportement est une vraie adoration en islam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas moindre que la prière ou le jeûne. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix soit sur lui dit: Inna Allah ta'ala, Dieu le Très-Haut, yaqulu yawm al-qiyamah, dit le jour de la résurrection: Ayn al-mutahabbuna bi jalali. Ma qalch wino li somo, wino li salli, wino. Où sont-ils les amoureux pour ma grandeur et ma majesté? Ça veut dire le ciment de leur amitié, de leur amour, était ma majesté et ma grandeur. Aïn al-mutahabou nabi jalali, où sont-ils les amoureux pour ma grandeur et ma majesté? Il n'a pas dit où sont les prieurs, ou les jeûneurs, ou les pèlerins. Al-yawma udilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Aujourd'hui, je les place dans mon ombre, le jour où il n'y a aucune ombre à part la mienne. Rawahu Muslim wa Tirmidhi, rapporté par l'imam Muslim et l'imam Tirmidhi, et dans un hadith authentique, Muslim et Al-Bukhari, dans un hadith yani, unanimement authentique, fi hadith muttafaq alayh, yaqul an-nabi, le prophète dit, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli, sept seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y a aucune ombre à part la sienne. Rajulani min baynihim, parmi eux, rajulani aw imra'atani aw shabani, deux hommes, deux femmes, deux jeunes, peu importe. Rajulani tahabba fillah, deux hommes qui se sont aimés pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa akhtim bi hadhihi al-kalima, et je finis avec cette phrase: falnamla hayatana bil hubb wal hanan, qu'on remplisse notre vie entre nous par l'amour et l'affection. Wa ila darsin qadim insha Allah, et à une autre leçon prochaine si Dieu le veut. Yani ayo al ikhwa wal akhawat, fi al usbu' al muqbil sa'akun musafir 'inda nas في شرق فرنسا وعند إخوة وأخوات إن شاء الله في شرق فرنسا، فنلتقي في السبت الذي يلي هذا السبت المقبل. Donc la semaine prochaine, je suis invité chez des frères et des sœurs dans une mosquée qui se trouve à l'est de la France. Donc il y aura pas cours samedi prochain. Mais si on reste vivant, on se verra dans le samedi qui suit. Seulement, vous n'avez pas compris tout à l'heure, et j'explique brièvement, rapidement, ce que j'ai dit. Il s'agit d'une chose qui fait rire normalement. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Chacun de nous souhaite le paradis, aime être dans le paradis. Et quelqu'un qui parlait avec un autre, il lui a dit: aimes-tu le paradis? Aimes-tu être dans le paradis? Qala na'am. Il a répondu: oui. Qalu Allah yatak al-mout, que Dieu te donne la mort. Qalu hadi ma, mais tu fais des prières contre moi, ça j'accepte pas. Mais qalu, écoute, pour être au paradis, si tu veux vraiment le paradis, tu dois mourir d'abord. Il a tahab al-jannah khassak tmout, mais imkin j'ai. Fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jazaa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.